يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله تكلمنا في هذا المسجد عن أهمية الصلاة أو serviteur d'Allah nous avons abordé dans cette mosquée l'importance de la prière وهناك أمر لم نذكره وهو من أهم المهمات. Il y a certains sujets que nous n'avons pas cités et pourtant il fait partie des sujets les plus importants. ألا وهو أن هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام مقيدة بوقت معين. C'est que cette prière, qui est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, celle-ci, elle est délimitée par un temps précis. Allah le Très-Haut qui dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière a été rendue obligatoire aux croyants à des moments défini. وللأسف الشديد يا إخوة كثير من إخواننا يبتلون في هذا الباب. Et malheureusement, oh mes frères, beaucoup de nos frères sont éprouvés dans ce sujet. فتجد الرجل في عمله دخلت الصلاة فيؤخر هذه الصلاة عن وقتها ويطيع بشرا مثله في مخالفة أو في مخالفة الخالق الجبار. Et donc tu trouves l'homme au travail, alors que l'heure de la prière est rentrée. Il va donc retarder l'accomplissement de la prière et obéir à un être humain comme lui dans la désobéissance au Créateur, le Tout-Puissant. وهذا من الأمور الخطيرة يا عباد الله. Et cela fait partie des choses dangereuses, ô serviteur d'Allah. Le Très-Haut qui nous dit ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Malheur aux prieurs qui sont distraits quant à l'accomplissement de leur prière. قال عطاء ابن دينار الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. عطاء ابن دينار il a dit louange à celui qui a dit ceux qui sont distraits quant à l'accomplissement de leur prière. Et il n'a pas dit ceux qui sont distraits durant la prière. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَمِيعَ قَدْ يُصَابَ بِالسَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ. Et cela car nous pouvons tous être touchés par la distraction durant la prière. Une pensée qui vient et qui nous touche. وَالْأُجُورُ تَتَفَوَّتْ حَسَبَ ذَلِكَ. Et les récompenses se distinguent en fonction de cela. Femel Mourad. Et donc, que signifie ce verset? Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont distraits quant à l'accomplissement de leur prière. Qalatil ulama. Alladhina yu'akhirun as-salat an waqtiha. Ceux qui vont retarder la prière Ils vont la faire sortir de son temps. Et ensuite vont la rattraper à la maison. Parce qu'ils sont au travail ou autre, ne peuvent pas prier devant leur patron. Ils vont donc rattraper cette prière à la maison ou au travail, en l'accomplissant le plus rapidement que possible. وهذه الصلاة يا إخوة اعلموا أنها صلاة المنافق. Et sachez, oh mes frères, que cette prière est la prière de l'hypocrite. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق قالها ثلاثا. Il était rapporté dans les deux recueils de Al-Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celle-ci est la prière de l'hypocrite. Celle-ci est la prière de l'hypocrite. Celle-ci est la prière de l'hypocrite. Et ensuite il a décrit en disant: Yarkubu shams hatta takuna bi korbi korni shaitan thumma yankuruha nakran la yadhkurullaha illa qalila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette prière en disant: il observe le soleil. Les savants, ils ont dit yudayya waqtahu, il perd son temps dans des sujets mondains ou autres. Il observe le soleil jusqu'à ce que celui-ci soit proche, soit entre les deux cornes du diable, l'approche du Maghreb, l'approche du temps du Maghreb. Il va donc la becter. Il va becter sa prière. Becter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam huna shabbaha hadhihi as-salat bi fi'l at-tuyur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a fait ressembler cette prière à l'acte des oiseaux. L'oiseau qui va becter un tronc d'arbre. Rapidement. Wa hakadha hadhihi as-salat. Yusri'u fiha. Il l'a prié rapidement. Parce qu'il faut la prier avant que son temps se termine. Ou alors, son temps s'est déjà terminé. Il faut rattraper, il faut la rattraper. Puis après ça, prier la prière qui suit. فلاحظوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذه أو في هذا الحديث الذي أخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب. Vous pouvez remarquer, oh mes frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a cité celui qui retarde la prière du Asr jusqu'à un peu avant le Maghrib. فَمَاذَا نَقُولُ فِي مَنْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى بَعْدِ الْمَغْرِبِ يَقْضِيهَا فِي بَيْتِهِ. Que disons-nous de celui qui retarde la prière du Asr jusqu'à après le Maghrib, puis la rattrape chez lui? Ou yu'akhiru adh-dhuhr ila ba'd al-'asr, ou alors il retarde la prière du dhuhr jusqu'à après l'asr. Wa hadha ta'atan li rajulin basharin mithlihi. Et cela en obéissance à un homme, une créature comme lui. Fa yanbaghi lana an nu'alija hadha al-amr ya ibadallah. Nous devons donc résoudre ce problème, ô serviteurs d'Allah. Placez notre confiance en Allah azza wa jalla. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الإخوة، ما هو السبب الذي أدى بنا إلى هذه الحال؟ Oh mes frères, quelle est la cause qui a fait que nous sommes parvenus à cette situation? أن يكون المرء يطيع basharan makhlouqan miskinan da'ifan mithlahu fi mukhalafati al-malik al-jabbar alladhi huwa shadidul 'iqab. Qu'est-ce qui a fait que on obéisse à un homme, une créature faible comme nous, dans la désobéissance au Maître, le Tout-Puissant, celui qui est dur en châtiment. As-sabab ayyuha al-ikhwa. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-taqwa hauna wa ashara ila qalbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la taqwa est ici. Le fait de craindre Allah, c'est ici. Et il a montré son cœur. فَيَنْبَغِي أَنْ نُعَالِجَ الْأَمْرِ مِنْ أَوَّلِهِ. Nous devons résoudre le problème dès le début, le cœur. Allah, le Très-Haut, il dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi si vous êtes croyants. وَالْخَافُ مِنْ أَعْمَلْ الْقُلُوبِ. Et la peur fait partie des actes du cœur. Nous devons donc corriger ce problème. Avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne pas prévoir la peur des créatures au-dessus de la peur du Créateur. Allah le Très-Haut qui dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Fa anta tatawakkalu 'alayhi. Tu mets donc ta confiance en Allah. Et cela fait partie des actes du cœur. Isma'u ila nabi sallallahu alayhi wa sallam hina yakul law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli li razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Écoutez donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il le fait pour les oiseaux. Tardou khimasa wa ta'oudou bitana. Celui-ci, cet oiseau qui part avec le ventre vide et qui revient avec le ventre plein. Falina an natawakkala ala Allah. Nous devons donc mettre notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiran wa mahabbatan lakum ahbabtu an akra'a alaykum hadhihi al-ayat التي تسمعونها في كل جمعة لتتأملوا فيها. Et pour finir, par amour pour vous et pour votre bien, je tiens à vous réciter ces quelques versets que vous entendez tous les vendredis afin que vous puissiez y méditer. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فذكر إن نفعت الذكرى. Alors rappelle. Alors accomplis le rappel quand celui-ci est profitable. Sayadhakkaru man yakhsha. Celui qui a la crainte va suivre le rappel, il suivra le conseil. Wa yatajannabuha al-ashqa. Et s'en détournera, s'en éloignera le grand malheureux. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Celui qui brûlera dans le feu le plus grand. فَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Il n'y mourra pas et n'y vivra pas. Il ne meurt pas dans ce feu afin de continuer à être châtié. Et n'y vivra pas car c'est une vie douloureuse. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit قد أفلح من تزكى. A certes, réussi celui qui l'a purifié. Celui qui a purifié son cœur des péchés, de la désobéissance à Allah. وذكر اسم ربه فصلى. Et s'est rappelé du nom de son Seigneur et a prié. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Mais vous favorisez et vous préférez les biens de la vie d'ici-bas. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais la vie de l'au-delà est bien meilleure et beaucoup plus durable. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. C'est ceci, ce que nous venons de vous citer dans cette sourate, est présent dans les parchemins, dans les premiers parchemins. Suhufi Ibrahim wa Moussa. Les parchemins d'Ibrahim et Moussa. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'allimana ma jahilna wa an yaj'alana min al-qanitina lahu al-musallin al-muqimin as-salata fi awqatiha wa an yaghfira lana dhunubana innahu ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus salata.